Bonjour, on me demande par rapport à la programmation, est-ce qu'on peut sortir de la programmation ou la transcender? C'est peut-être ça au fond, être créatif. J'ai fait l'exercice là plusieurs fois parce que c'est difficile au début, puis mes voisins se promènent, ils me déconcentrent un peu. On peut sortir de la programmation ou la transcender. Le libre arbitre est une illusion. Le libre arbitre est une illusion. Quand il y a un changement de programmation, c'est que le changement était lui-même programmé dans une programmation qui englobe la programmation là, qui est perceptible par l'ego. C'est lié là, à de la hiérarchie, c'est lié là, c'est les lois systémiques là, qui englobent. Il y a toujours une programmation qui englobe une programmation. Est-ce qu'on peut transcender la programmation? La polarité de l'immanence et de la transcendance font partie des illusions qui engendrent le libre arbitre. L'illusion du libre arbitre. Quand quelqu'un passe près de mourir et qu'il revoit sa vie devant ses yeux, il y a une mise à jour là pour l'âme et ça fait partie d'un changement de programmation englobé par une programmation qui transcende le changement. Le changement de programmation est programmé. Donc, il y aurait toujours une programmation qui englobe les autres programmations au sens que tout changement est programmé. L'être est une illusion. Donc, c'est quoi être créatif? S'il n'y a pas moyen de transcender. Entrer dans la créativité fait partie d'une programmation. Il n'y a pas d'incarnation en dehors de programmation. Ça fait partie du mental polarisé de percevoir ça comme une possibilité de changement de programmation, au sens où l'être humain diabolise la programmation et il divinise le conditionnement. Et ça fait partie des structures de l'âme, de la mémoire, de ce qui s'enregistre, de ce qui est expérimental. C'est quoi l'esprit là-dedans? Le contact avec l'esprit fait partie de ce qu'on peut appeler un destin. C'est de la programmation aussi, mais à un autre niveau. Donc, ça ferait partie des lois de hiérarchie au sens qu'il y a toujours une programmation qui englobe d'autres programmations. Et ça ferait partie là, du systémique. Il y aurait des gestionnaires à différents niveaux, là. La hiérarchie. Donc, il y aurait de la programmation à différents niveaux, sur des plans de plus en plus subtils. Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose. Je vais voir là au montage si la question est répondue. Mais c'est difficile, ça, c'est pointu, c'est subtil. J'ai fallu là, que je me reprenne un peu là, avant parce que c'est difficile au début de réenclencher ce mouvement-là. Mais ce que le mouvement là, que ça me fait là, au niveau de ce qui est perçu, c'est que l'idée là, de transcender, si en apparence au niveau de la perception de l'ego, la programmation est transcendée, c'est que c'était programmé dans une programmation qui englobe la programmation qui est perçue par l'ego. Il y aurait autre chose qui n'est pas perçue par l'ego, qui fait aussi partie de la programmation. Il y aurait de la gestion à différents niveaux. C'est comme ça que je le comprends. Mais ça a été difficile. Donc, il n'y aurait pas. Mais c'est quoi la créativité et l'esprit d'abord? Parce que ça aboutit à des paradoxes. C'est quoi que je viens de demander? C'est quoi la créativité et l'esprit d'abord? La créativité, c'est le mouvement qui fait passer d'une programmation à une autre sur différents niveaux, et le contact avec l'esprit par rapport à l'homme est une programmation lui-même qui est englobée par rapport à du systémique. C'était quoi l'autre? L'esprit, c'est quoi? Le contact avec l'esprit fait partie de ce que nous appelons le destin, qui est de la programmation. On s'en sort pas. C'est un peu, je le perçois comme flou. Ça se tient. Besoin de croire là, moi je le perçois comme ça se tient. Donc je le prends là, mais je regarde mon calepin, je suis tout le temps porté à vouloir approfondir, mais ça tourne en rond. Donc je verrai là au montage si c'est répondu là, sinon je vais recommencer jusqu'à ce que ce soit répondu comme il faut. Ben, comme il faut, d'une façon satisfaisante, mais c'est possiblement correct là. J'ai. Bon, ben.